les animaux. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Les animaux sont des êtres vivants qui ne possèdent pas d'âme et d'esprit individuel, à la différence des humains. Par conséquent, la conscience d'un animal n'a pas la possibilité de se réincarner et n'a pas de vie antérieure. Par contre, la psyché de chacun des animaux est branchée sur un esprit collectif se rapportant à son espèce. Ce dernier recueille des informations ayant trait au vécu de ces spécimens qui sont archivées sur le plan mental. Ces données peuvent être consultées par des entités mentales ou des humains avancés dans leur fusion avec l'esprit. Elles s'avèrent utiles pour étudier l'état de ces êtres vivants. Plus spécifiquement, cela peut être de savoir si des modifications doivent être apportées dans la conception et le développement de nouveaux animaux. De plus, des études historiques peuvent être faites sur les changements que connaissent certaines espèces au fil des siècles. Les animaux ont été créés par des esprits pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est pour manifester leur créativité en développant des formes de vie sur le plan matériel qu'ils vont étudier et influencer. L'individu conscient va avoir une sensibilité perceptive des animaux et un contact avec son esprit qui vont lui permettre d'accéder à des informations faisant en sorte qu'il sera capable de comprendre et de régler plus rapidement les problèmes se rapportant aux animaux. Par exemple, si un animal est malade, il va être possible pour lui de demander à son esprit ce qui lui pose problème et ensuite d'ajuster la situation en fonction de sa réponse et de son jugement personnel. Son contact avec l'esprit peut lui permettre d'avoir accès à l'information aussi rapidement que s'il pouvait communiquer verbalement directement avec l'animal comme on peut le faire avec un autre humain. Donc, au lieu de faire des hypothèses sur les causes du malaise de l'animal avec l'intellect, il sera en mesure de faire une lecture vibratoire de l'animal de manière à identifier rapidement la nature réelle de son problème et d'agir pour le régler. Bien que les animaux soient dépourvus d'âme, ils doivent néanmoins être traités d'une manière respectueuse par les êtres humains car ils sont dotés de sensibilité. Ils sont en mesure de ressentir des émotions et sont sensibles à l'état de leur environnement. À mesure qu'une quantité grandissante de gens se conscientise, les animaux vont être respectés encore plus par les collectivités et des lois vont être créées en allant dans ce sens. Par exemple, au Québec, en 2015, une loi a été passée pour faire changer le statut juridique des animaux. Ainsi, les animaux qui étaient considérés auparavant comme des biens, au même titre que des meubles, sont considérés, à présent, comme des êtres dotés de sensibilité. Ce changement de statut juridique témoigne d'un peu plus d'égard de l'humain pour les animaux. Au fil du temps, ce type de loi va permettre aux humains d'avoir des rapports davantage ajustés avec les animaux. Plus l'individu se conscientise et plus il devient lucide à l'égard de l'impact de ses actions par rapport aux animaux, comme à l'égard des autres formes de vie et aux humains. Par conséquent, il va traiter de manière respectueuse les animaux pour ne pas engendrer de souffrance inutile, soit de karma, à l'égard du règne animal. Par exemple, il n'y aura plus de gens souffrant qui, sous influence d'entités, font souffrir inutilement les animaux pour se défouler et qui se créent un lourd karma. En agissant de la sorte, ils vont s'associer psychiquement à des entités astrales de basse vibration qui vont les empêcher d'accéder à la paix mentale, Ce n'est pas en se défoulant sur des animaux que l'humain se libère de la souffrance, mais c'est plutôt en réglant les problèmes qui en sont la cause et en gérant sa vie plus efficacement pour connaître la paix mentale et être en mesure de rester ensuite dans cet état. Lorsque l'individu gère adéquatement son existence, il est bien dans sa peau et il n'est pas intéressé à faire souffrir des animaux pour des raisons de compensation. Au fil du temps, il n'y aura plus de corrida à l'échelle du globe, car les gens, en se conscientisant, en viendront ne plus trouver divertissant de voir un combat entre des hommes et des taureaux, à l'issue duquel les taureaux sont généralement mis à mort. De plus, il n'y aura plus de combat entre des animaux qui sont organisés par des humains. Il y aura un consensus à l'effet que ces activités génèrent trop de souffrances inutiles pour les animaux. Des lois seront votées en conséquence et il y aura en parallèle de nouveaux types de divertissements qui vont émerger et remplacer les anciens. Plus l'individu se conscientise et plus il va percevoir rapidement et intensément la souffrance émotionnelle chez les animaux. Cela va faire en sorte qu'éventuellement il ne pourra plus pratiquer la chasse d'animaux pour le plaisir, car il ne sera plus intéressé d'en voir souffrir. Plus l'humain va se conscientiser et plus la souffrance infligée à l'égard des animaux va être contestée par lui. En même temps, il y aura le développement de jeux électroniques devenant davantage sophistiqués et qui tendront à simuler la réalité avec plus de précision. Par conséquent, dans le futur, des gens pourront procéder à des simulations de parties de chasse très réalistes dans un environnement impliquant la réalité virtuelle. Elles pourront servir à substituer celles réelles et cela va permettre d'éviter de tuer inutilement des animaux. Au fil des ans, les humains ne se nourriront plus de cadavres d'animaux, étant donné que l'intégration de la vibration de leur esprit va leur permettre d'altérer le fonctionnement de leur corps physique et de se nourrir de l'énergie qu'ils canaliseront venant de lui. Par rapport à l'humain, les animaux de compagnie servent à agrémenter sa vie. Ils peuvent lui apporter de l'affection, le détendre et le sortir d'états de réflexion interminables. Lorsqu'il joue avec eux, il peut ressentir le moment présent intensément. L'humain conscient désirant avoir un animal de compagnie va être capable d'en choisir un adapté à sa vibration et son mode de vie en discutant avec son esprit du choix à faire. Lors du futur, les humains qui auront intégré la fusion avec l'esprit et développé une maturité psychique seront en mesure de diriger les animaux en harmonie avec les lois cosmiques. Rendus à ce stade, il y aura une gestion intelligente de l'ensemble de la vie animale sur Terre par l'humain. Elle se fera en concertation avec les esprits collectifs se rapportant aux différentes espèces animales de manière à favoriser la biodiversité et de régler les problèmes de pollution et d'extinction d'espèces animales. Aussi, cette gestion sera faite de façon à ce qu'il n'y ait plus de problèmes de surpopulation de certaines espèces. Il y aura alors une gestion adéquate de chacune des espèces et l'humain vivra en harmonie avec la nature. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte portant sur les animaux. Vous pouvez retrouver ce texte en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo.